l'humanisme, c'est pas tribaliste. Multipartiste, yeah, c'est pas tribalisme. Ni cribe kouma, tais-toi, youla. Cribe kouma, tais-toi, pété. Cribe kouma, tais-toi, baoulé. Ni cribe kouma, donne tais-toi, pour le don. Les militaires sont fâchés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. Papier Longuel et Mourouti, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées. Baribana, Baribana, Bereya bébé quand. Baribana, Baribana, Bereya bébé quand. Baribana, Abana, Bereya bébé quand. Guaribana, Bereya bébé quand. Ici Karadjarati, Wari, Wari oh. Abidjan yadra, Akotonou yadra, Abamako dra batar. A Libreville yadra, Akonakri yadra, Amorovi yadra batar. Lomé yadra, à Kinshasa yadra, à Addis Abeba dra batar. O Abidjan yadra, à Cotonou yadra, à Bamako dra batar. Baribana, Baribana, Bereya bébé quand. Baribana, Baribana, Bereya bébé quand. Baribana, Abana, Bereya bébé quand. Waribana, Bereya bébé quand. Anye ben kelema, mbaden loué. Anye ben kelema, anye ben kelema, mbaden loué. Anye ben kelema de. Ikwibe kuma o tetwa PDC. Ikwibe kuma o tetwa PDC. Ikwibe kuma o tetwa ESD. Ikwibe kuma doni tetwa FPI. Fâché, fâché, fâché, fâché, fâché.